Les Saguenay-Lac-Chicoutimi en ont perdu une hier à toute une, 9 à 2 contre les Huskies de Rouyn-Noranda. On rejoint évidemment Rouyn-Noranda. Habituellement, on le fait en table ronde, mais on pouvait pas avoir les deux à ce matin. On rejoint le descripteur des matchs des Saguenay. On va parler à Jean-Paul Charlebois un peu plus tard. Le descripteur des matchs des Sags, Sébastien Morin. Salut Sébastien. Salut. Sébastien, comment c'était du côté as-tu eu l'occasion de voir un peu l'ambiance d'après-match? Moi, je suis toujours avec les joueurs, je dîne avec les joueurs, je soupe avec les joueurs, je prends le repas d'après-match avec les joueurs. Puis, c'était pas la joie, c'était pas le party dans l'hôtel où on loge à Rouyn-Noranda, mais les joueurs ont été capables de chasser assez ça rapidement, là, le pointage de 9 à 2, la défaite. Et que ça se termine 2-1, 3-2, 4-3, 9-2, 15-1, une défaite en série, ça reste une défaite. Puis je pense que le pointage, au contraire, pourrait donner peut-être des munitions aux Sags pour la partie ce soir. Effectivement. Puis quelque part, tant qu'on en a perdu une, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Sébastien, là, c'est peut-être moins choquant de la perdre comme ça que de perdre en deuxième période de prolongation ou encore le joueur pense à la chance qu'il a manqué, ainsi de suite, ça y trotte tout le long de la tête. C'est que tu en penses? Mais ça a été un match quand même assez serré jusqu'à, je dirais, milieu de deuxième période où, à un moment donné, il y a eu plusieurs revirements qui se sont concrétisés en but du côté des Huskies. On a parlé des Sags opportunistes dans les cinq premiers matchs de la série. Dans le match numéro 6, ça a été le tour aux hommes de Gilles Bouchard. Mais c'est la fin de la rencontre qui a été un peu moins intéressante, je pense. Du côté des Huskies, on est allé à 5 contre 3. Il y a eu 3 ou 4 5 contre 3 consécutifs accordés aux Huskies de Rouyn-Noranda en fin de match. Ça a été peut-être une mauvaise gestion de la part des arbitres. Dans ce temps-là, tu es aussi bien de sortir deux joueurs que d'en sortir juste un, justement pour pas donner la chance à une équipe de piétiner l'autre. Puis c'est un peu ce que les arbitres ont réussi à faire avec les Huskies hier. Puis Gilles Bouchard, lui, de son côté, première unité, deuxième unité d'attaque à 5, tout le temps. C'est devenu 6, 7, 8, 9, 2 dans ce match-là. Puis en plus de ça, on amène un Ligne Cormier à 30 secondes de la fin pour faire face à des Samuel Houde, Vincent Lapalme. T'sais, à un moment donné, je pense que ça pourrait jouer contre les Huskies ce soir. Est-ce qu'il pourrait y avoir un genre d'excès de confiance du côté des Huskies? C'est sûr que Gilles Bouchard, c'est pas du tout le genre de joueur, le genre d'entraîneur à pas prendre des sacs à l'air. C'est un excellent entraîneur. Mais tu penses-tu que du côté des joueurs, il pourrait y avoir un excès de confiance? Ben, c'est dans le naturel. Ouais. Hein. Les Sags sont peut-être arrivés hier avec un excès de confiance en menant 3-2 la série, en arrivant à Rouyn-Noranda, en sachant que l'avion les attend sur la piste de décollage si jamais on remporte le match hier soir. Ça a peut-être joué dans la tête des Sags. Définitivement, ça va être la même chose côté des Huskies ce soir. Tout le monde va se dire, la pression est du côté des Sags. Je te dis, bullshit. La pression est du côté des Huskies ce soir. C'est eux les champions à titre de la Coupe du Président. Les Sags, il n'y a pas grand monde qui les attendait là. Il n'y a pas grand monde qui pensait qu'on allait les amener soit en 6 ou en 7 matchs, les Huskies de Rouyn-Noranda. Il y avait plusieurs qui disaient que ça va être même pas mal facile pour les Huskies de Rouyn. Je pense qu'on a une excellente série entre les deux clubs. Hier, le pointage, oui, démontre peut-être quelques défaillances dans le match hier chez les Saguenay-Chicoutimi, mais le match était quand même assez serré au chapitre des lancers. Il y a eu quelques revirements en deuxième période, ça fait mal, mais on chasse ça de l'esprit pour être prêt pour ce soir. J'imagine que le plan de match, c'est quoi? C'est de, j'imagine, le plus possible, c'est les 10 premières minutes, hein, puisque là, la foule va être survoltée à Rouyn-Noranda. Ainsi de suite. Donc, si les Sags sont capables de passer à travers les 10 premières minutes, je pense que ça va être très positif. Hier, on a presque réussi la mission. C'était 1-1 après les 20 premières minutes de jeu. C'est devenu rapidement 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 en deuxième période. Ça a été très difficile. Puis oui, la foule a embarqué. Mais à un moment donné, quand c'est devenu 1-1, je peux dire qu'il y avait des doutes là, à l'esprit des partisans des Huskies dans l'aréna I Am Gold. Ce soir, ça va prendre un gros but là pour débuter la rencontre. Essayer d'éviter de se mettre en situation de hockey de rattrapage, ça pourrait aider les Saguenayens à compléter la série en ces matchs ce soir. Mais ce ne sera pas évident, là. T'sais, je le répète, là, c'est les champions en titre de la Coupe du Président. Ils ont terminé deuxième au classement général de la LHGMQ, les Sags 8e. Ils ont des très... Ouais, c'est pas l'idéal, hein. J'ai parlé avec Samuel Harvey jeudi, avant le congé Pascal. J'ai fait une entrevue avec Jean-Paul Charlebois, t'étais là quand j'en ai parlé avec de la situation. Eux disaient que, regarde, les deux avaient été avertis, que Samuel Harvey m'a dit, ouais, Vitremblay, c'est un de mes amis, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est reste que c'est pas l'idéal, pareil, me semble, en tout cas. Ben, ça tient tes garnis sur la corde raide. Certains peuvent penser que ça peut être un avantage. Moi, je suis convaincu qu'en série, par contre, ça complique un peu les choses. D'avoir deux gardiens qui veulent la pole, puis d'entamer un soir, l'autre est un peu frustré, le lendemain, l'autre ouais. revient. Même si l'autre a connu un bon match, bon, c'est la façon de gérer les Huskies. On verra ce soir si ça aurait été payant ou pas pour les hommes de Gilles Bouchard. OK, en terminant, en avion, ça doit être le fun. Pas mal plus, pas mal moins, tu te sauves du temps terriblement. Hein? C'est 1h15 aller, puis c'est 55 minutes revenir. Et monsieur, c'est fun. C'est pas mal. Au lieu de 9h30 d'autobus, là, je sais qu'il y a des gens qui critiquent un peu le fait que les Sacs prennent l'avion, puis on comprend pas pourquoi. Les frais contribuables, puis c'est ça, j'imagine, là. Ouais, mais les contribuables de Saguenay ne seront pas lésés dans cette situation-là. De ce que je comprends du contrat de gestion avec les gestionnaires, l'argent, si jamais il y a de l'argent qui est fait par les gestionnaires, doit être réinvesti dans le club. C'est pas remis à Ville-Saguenay nécessairement. Donc, c'est pas des dépenses folles là, de soins d'avion pour venir à Rwanda. Ben, ils ont toujours fait ça. Non, ça n'a pas été toujours comme ça dans la philosophie des anciens gestionnaires des Sacs. C'est venu là dans la dernière année. Quand Marc Denis, Charles Letourneau et Jean-François Abraham sont rentrés dans le portrait, ont donné une chance aux Sacs de remporter une série contre les Screaming Girls du Cap-Breton. Au lieu de faire 34 heures d'autobus aller-retour, c'était 3 heures d'avion. Au lieu de faire 20 heures d'autobus, c'est 3 heures d'avion venir à Rouyn-Noranda. Le calcul est simple. Un 8-9 heures d'autobus dans une journée, la plupart des entraîneurs vont te le dire, Danny, ça prend 24 heures aux joueurs pour chasser... un peu, tu sais, si tu deviens raqué, tu bouges pas de la journée, c'est des athlètes qui sont habitués de bouger à journée longue, c'est pas une bonne idée. Oui, on aurait pu le faire en autobus, on serait parti samedi matin après la victoire vendredi soir dernier, on serait arrivé samedi soir, on aurait pratiqué dimanche, on aurait pratiqué lundi, puis on aurait été prêt pour la partie hier soir, mais les Sacs ont pris un autre avenue, celle de l'avion. Puis je pense que c'est une très bonne idée de le faire dans des matchs aussi importants là, comme les 6 et 7 là, en série éliminatoires. De toute façon, si tu sors plus reposé, tu as plus de chances de gagner, faire quelques matchs à domicile de plus. Fait que ça revient au même, dans le fond. Voilà, exactement. Puis ouais. La Ligue de hockey junior majeur du Québec aussi paye une partie des frais là, quand il y a le kilomètre. Il y a un système de partage des revenus établi depuis quelques années dans la LHGMQ, puis les équipes qui ont à défrayer des coûts de transport un peu plus importants. Il y a un fonds de la Ligue qui est là pour aider. Ils ne payent pas la totalité, mais il y a une certaine partie qu'on pourrait récupérer là, avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. OK. Hey, en terminant, je veux t'entendre sur Kevin Dubé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir l'article dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. La pire récolte de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 30 ans. C'est ça que, tu sais, c'est au prochain repêchage. De la Ligue nationale. Ouais, de la Ligue nationale. Ouais. C'est sûr que ce qui s'en vient, c'est bon, par exemple, parce que t'as juste à penser l'an prochain avec le fils de Benoît Groulx, t'as également Joseph Verneau. Dans deux ans, je pense, cette fameuse cuvée de Xavier Parent, La Jeunesse et Poulain vont être là également. Oui, ça va être difficile, mais par après, il y a quand même des choses. Mais c'est cyclique, hein? Exactement. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à toutes les 4 ou 5 ans, la Ligue de hockey junior majeur du Québec est un peu le parent pauvre du repêchage de la Ligue nationale. Ah, mais ça, là, c'est pas le problème de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça part de bien plus loin que ça. Là. Mm. On pourrait parler de Hockey Québec, de sa structure, de la compétition avec le hockey scolaire, des meilleurs jeunes qui jouent plus contre les meilleurs jeunes parce qu'il y en a qui jouent au midget 3, il y en a qui jouent au collégial, il y en a qui jouent dans les écoles secondaires, il y en a qui jouent dans les écoles privées, il y en a qui jouent dans les prep schools. Il y a des ligues à ne plus finir. Je pense que le hockey s'est divisé au lieu d'être devenu rassembleur dans les dernières années. Et il y a des gens qui sont partis chacun de leur bord avec leur petit bonhomme avec le petit bonheur pour essayer de développer des joueurs. Puis je suis pas sûr qu'on est sur la bonne voie présentement. On a de la misère à développer des gardiens. On a de la misère à développer des. Tu sais, Pierre-Luc Dubois a été repêché 3e. Le prochain est repêché top 10 là, dans la LHJMQ. Ça va aller peut-être dans 2 puis dans 3 ans, là, comme tu disais tantôt, les Poulains, les Parents, les Pelletiers, tout ça là, qui vont se repêcher cet été dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Effectivement, c'est cyclique. mais je pense qu'il y a bien du monde qui devra se regarder le nombril là, dans le développement du hockey à travers la province du Québec. C'est sûr que, bon, Isha de Halifax va être repêché dans les trois premiers. Par contre, c'est pas un Québécois, là, mais il joue dans les Jumeaux du Québec. Non, puis tu sais, il n'a pas été développé ici non plus. Ouais. Même ce que les gens disent, c'est que s'il ne joue pas dans l'année nationale l'an prochain, il va retourner jouer en Suisse comme un peu ce que le joueur des Maple Leafs a fait, là, Austin Matthews. Ouais. Mais avant qu'il se fasse repêcher, une année plus tard, mais ce sera un petit peu la même situation. Il n'y a plus rien à prouver dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Nico Hischier. Puis s'il fait pas la Ligue nationale, les plans, c'est qu'il retourne en Suisse. Mm. Oui, c'est un top 3 sur repêcher avec le chandail, on va dire, from Moosehead to Halifax, là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il rejoue seulement une saison. Le sentiment d'appartenance ne doit pas être très, très établi avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans son cas. Effectivement. Ben, Sébastien, on s'en parle quoi qu'il advienne de cette semaine pour faire le gang. Si on gagne, on va recommencer une table ronde. Je ne sais pas si avec St. John's, quoi, ça va être capable de parler à quelqu'un en français là-bas. Difficile. Difficile, OK. On va se parler de ça. Sinon, Danny, il y a le journaliste Stéphane Paquette d'Acadie Nouvelle qui pourrait être un allié important dans cette série-là. OK. Donc, on va lui parler. Ben, merci beaucoup pour s'en parle. Bonne journée. Le descripteur des matchs des 5, Sébastien Morin.